Chapitre 2, les Marseillais. Le 29 juillet, on annonce l'arrivée des Marseillais. C'était un bataillon de 500 hommes, organisé à Marseille par les soins du maire de cette ville, Mouraille, ami intime de Barbaroux. Mais les vrais volontaires marseillais se trouvaient aux frontières, et les fédérés enrôlés par les clubs n'étaient en réalité qu'un ramassis de malfaiteurs étrangers, les uns échappés au bagne et aux prisons, les autres les mains rouges encore du sang de la glacière. Voici sur cette bande cosmopolite, qui a joué un rôle prépondérant dans la journée du 10 août, le témoignage d'un contemporain, Laurent Lautard. Animé d'un beau zèle, et bien aise peut-être aussi de soulager le pavé, le maire réunit dans l'espace de quelques jours 500 hommes sous le drapeau, savoyards, italiens, espagnols, chassés de leur pays, spadassins, suppôts de mauvais lieu, tout fut trouvé bon. La physionomie de cette troupe répondait de son esprit. Les véritables Marseillais y étaient en petit nombre, mais il y en avait, j'en pourrais citer, qui ne sortaient pas absolument de la classe prolétaire. Ceux-là furent accueillis à leur retour par la réprobation des honnêtes gens. La tâche resta sur leur front en caractère ineffaçable. Les hommes du 10 août, commandés par un ancien militaire nommé Moisson, se mirent en route dans la soirée du 2 juillet, avec deux pièces de campagne, malgré la défense du ministère. On les avait au préalable solennellement rangés autour de l'arbre de la liberté du marché aux fruits, pour y recevoir les adieux et les exhortations du club. Un député des Bouches-du-Rhône, Blanguilly, s'exprime sur le compte des fédérés napolitains d'une manière plus significative. Il ne voit en eux qu'une horde de brigands sans patrie et l'écume des prisons de Gênes, du Piémont, de la Sicile, de toute l'Italie. Tels étaient les dignes auxiliaires que les Girondins allaient mettre aux mains du jacobinisme pour accomplir le crime de lèse-nation qui se préparait. Le lundi 30 juillet, la colonne marseillaise fait son entrée à Charenton. Elle y est reçue par Barbaroux, Fournier, l'Américain Rebecki, Pierre Bayle, Bourdon, Deloise et Héron. Le plan des meneurs était de se porter immédiatement en force à l'Assemblée pour enlever la déchéance ou la suspension du roi. Ce plan manqua, dit-on, par la faute de Santerre, qui avait promis pour l'exécuter 40 000 hommes de Saint-Antoine et de Saint-Marceau, et qui, au moment décisif, ne parut point. En réalité, la population parisienne, même celle des faubourgs, n'éprouvait qu'un médiocre enthousiasme pour cette troupe de bandits dont les bonnets rouges, les vêtements déguenillés, les regards farouches, la peau bronzée, les propos sinistres répandaient partout l'épouvante. Au lieu de l'armée des faubourgs qui leur avait été annoncée, les Marseillais ne trouvèrent que 200 fédérés des départements et 2 douzaines de Parisiens armés de piques et de coutelasses. Dès le lendemain, un banquet civique les réunit aux Champs-Élysées, sous la présidence de Santerre, et fut pour eux l'occasion d'inaugurer, dans la capitale, la série de leurs exploits. À la suite de ce banquet, ils assaillent à coups de sabre des grenadiers du bataillon des filles de Saint-Thomas, blessent une vingtaine d'entre eux et tuent l'agent de change Duhamel. Puis vient le défilé de leurs orateurs, à la barre de l'Assemblée. Renversant les rôles, ils demandent justice du sang qu'ils ont versé et écrivent vengeance contre leurs victimes. Ils finissent par prononcer le mot de la situation, celui que soufflent les feuilles anarchiques et les clubs, et qui fermente dans tous les cerveaux révolutionnaires la déchéance. À dater de cet instant, l'audace jacobine redouble. Le flot de la démagogie monte et rompt toutes ses digues. Le malencontreux manifeste de Brunswick donne aux meneurs un moyen facile d'attiser l'effervescence populaire. Le 2 août, Pétion apparaît à la barre de l'Assemblée, suivi d'une nombreuse députation. Il lit, au nom des sections de Paris, une adresse où la déchéance de Louis XI est présentée comme la seule mesure capable d'affermir la liberté et de conjurer les dangers extérieurs et intérieurs. La section Mot-Conseil va plus loin. Mettant de côté les vaines formalités de la loi, elle ne se contente pas de pétitionner. Elle publie un arrêté par lequel elle déclare qu'elle ne reconnaît plus Louis XVI pour roi des Français et qu'elle abjure le serment de lui être fidèle. Elle sonne le premier coup de tocsin de l'insurrection en assignant aux soldats de l'émeute un rendez-vous sur le boulevard de la Madeleine pour une démonstration armée. Tant l'audace finit par révolter la majorité de l'Assemblée législative, qui sort un moment de sa stupeur pour casser l'arrêté de la section Mon Conseil. 3 jours après, 8 août, elle retrouve encore un peu de courage pour rejeter à une majorité de 406 voix contre 204 le décret d'accusation présenté par la gauche contre Lafayette. Ce fut son dernier acte d'indépendance. À dater de ce jour, elle retomba dans son abjection et se borna à enregistrer les décisions de l'émeute. En autorisant par une odieuse complicité ou par une lâcheté plus coupable encore la permanence des sections, l'Assemblée avait remis la clé de la situation aux mains des Jacobins. Déjà, la société était livrée à une effroyable anarchie. Les pouvoirs sociaux et la force publique étaient à peu près désorganisés. Tous les grades de la garde nationale étaient donnés à l'élection, ce grand dissolvant de toute discipline militaire. Enfin, le roi, auquel la Révolution avait enlevé un à un tous les prestiges de sa couronne, tous les étais de son pouvoir, jusqu'à sa garde constitutionnelle elle-même, se trouvait exposé sans défense possible à toutes les tentatives de l'émeute, à tous les coups des factions. Toutefois, le Conseil général de la Commune renfermait encore bien des éléments conservateurs, bien des membres de cette bourgeoisie parisienne, qui ne séparait pas, dans son dévouement, la royauté des institutions constitutionnelles. Parmi les bataillons de la garde nationale, il s'en trouvait qui, comme ceux des filles de Saint-Thomas et de la butte des Moulins, étaient animés d'un sincère esprit de royalisme. À une heure donnée, ils pouvaient se porter en masse aux Tuileries et opposer à l'émeute le rempart de leurs baïonnettes. Cela ne faisait pas l'affaire des meneurs. Pétion se chargea d'obtenir de la municipalité un arrêté au terme duquel la garde journalière du château devait être à l'avenir composée d'un nombre déterminé de citoyens de tous les bataillons. C'était introduire l'anarchie dans les rangs de la force armée et paralyser son action pour le jour du combat. Diverses mesures complémentaires ne tardèrent pas à achever l'œuvre des organisatrices de la garde nationale. Mais le conseil général de la commune restait debout. On va voir comment s'y prirent les meneurs pour le renverser.